J'ai besoin de soins pour un mal pas ordinaire. Et sans ordonnance, le long de mes côtes, personne ne m'accoste. Je suis souvent sage, mais pas si pacifique. Je t'embête et je rage. D'horreur dans mes cris de douleur, les larmes qui coulent ne sont pas loin de retrouver l'épave de mon cœur. Jusqu'au fond de l'abîme de ma vie fantastique, je n'aurais jamais cru voir un jour le Titanic du fond de l'Atlantique. Je ne suis pas si vieille. Si j'entends dire depuis ma cage à l'eau que mon plus beau crime est d'avoir aimé de trop, alors là c'en est trop.